réalité. Moi mes sera petit feu, ma vulgarité. Difficile de me calmer en mauvaise moralité. Dégaine ta massa, j'kique surtout pour eux, ça devient agaçant. Même dans le noir, je le vois sur la gâchette, j'suis le bite au fond du bain. Faut regarder la sang. J'te mets le doigt là comme un Cameroulé. J'vois rouge comme un roulé. Avec de l'envoi dans les Hanouna. Plusieurs de mes Yankees se sont fait péter. De faire du sale dans ce game qui m'empêche de parler, oui c'est facile, mauvais des actes qui m'empêchent. M'empêcher de la marcher dure qui m'empêche. Qui m'empêche. Qui m'empêche. Allumer la concu qui m'empêche. Qui m'empêche. Dépouiller ses rappeurs qui m'empêche. Qui m'empêche. Ambiancer la street hein. Qui m'empêche. Qui m'empêche. NASA le king. Les gros, j'ai changé de catégorie. J'y vais direct, j'ai pas d'allégorie. Mon équipe est massive, un peu comme les gommis. C'est notre hégémonie. Quand on est maître de cérémonie, c'est un carnage qui veut baiser mon nid. Moi, je mange du poingra, pas du pepperoni. Soit, check la money. Clash et j'arrache à la tchéquinonie. Yo, mon comoni, ils veulent démolir. J'essaie de construire, ils me calent des mots là. Dégrader mon art, j'suis pas des vampires. J'ai brisé des keufs et j'ai pris leur emprise. J'ai blessé des refs et j'ai pris des yankees. Moi j'ai fait jambes d'un meuf et j'ai pris ton empire. De faire du sale dans ce game qui m'empêche. De parler, oui c'est facile, mauvais des actes qui m'empêchent. M'empêcher de la marche et dure qui m'empêche. Allumer la concu qui m'empêche. Qui m'empêche. Dépouiller ses rappeurs qui m'empêche. Qui m'empêche. Ambiancer la street hein. Qui m'empêche. Qui m'empêche. NASA le king hein, qu'on l'empêche. Neko de neko Zonisa Nina Nina Mama Amina Ninisa Président Asana Diakite Balobi Nicolo Yom Tostini Bamako. Premier Ningari de France Coca moi. Et bon yo Kevin. Et Zalaboete Boni Kopara Paraboe. Voilà mon bail à Zalaboete. Nazareth, qui m'empêche, qui m'empêche, qui m'empêche. Hein, pour vous et nous, il n'y a pas lien. NASA et que et nous.